Au nom des nôtres, j'ai d'autres choses à faire que d'écraser les autres. Ah ouais, je ne prône pas la guerre quand je viens parler de la révolte. Au nom des nôtres, je passe mon temps à semer ce que je récolte. Entre la vieille et la nouvelle école, je ne prône pas la guerre quand je viens parler de la révolte. Au nom des nôtres, j'ai d'autres choses à faire que d'écraser les autres. Je pratique l'art de la raison, je prends du recul pour aller voir au-delà de l'horizon. L'exalour, j'élève ma voix et lève le voile des mots. Tant que je vivrai, personne prouvera que la révolte est morte. Ceux qui votent à l'assemblée ont déjà de quoi manger. Pour plusieurs générations, je ne me sens pas représenté. Ils se contentent de détruire et nous on rebâtit l'empire. Et entre temps, c'est le pire empire et les mêmes escrocs qui s'empiffrent. Il est grand temps qu'on en débatte ouvertement des pratiques du gouvernement qui se fout de laisser couler le sang. Je prie le ciel du 2 janvier au premier jour de l'an. Que ce monde comprenne et entreprenne le renouvellement. La politique nous braque à visage découvert. Les affaires étouffées au nom du père, combien on en souffert. Souviens-toi qu'on en parlait entre nous frères. On va rendre fiers les nôtres, on n'emporte rien sous terre. Mon discours fera éruption comme une éruption de l'Etna. Toi tu sépares des envies fondées de condamner l'État. La liberté d'expression à la peau trouée par le métal. Les faussaires se plantent derrière le souci du détail. Mais on est là, on analyse, on observe, mec. Ma fine équipe n'est pas naïve. Loi du monde des apparences de Stéphanie Germain otage. J'ai pris la défense des miens, j'm'improvise sophiste ou avocat. Pour plaider ma cause, c'est la leur. Casincro, l'exhaleur, mon rap d'ailleurs n'est pas né d'hier. L'esprit critique, Billy Bob compose, je chante près nos vécus jusqu'à l'heure des sincères condoléances en attendant. Je passe mon temps à semer ce que je récolte. Entre la vieille et la nouvelle école, je ne prône pas la guerre quand je viens parler de la révolte. Au nom des nôtres, j'ai d'autres choses à faire que d'écraser les autres. Je pratique l'art de la raison, je prends du recul pour aller voir au-delà de l'horizon. L'exalour, j'élève ma voix et lève le voile des mots. Tant que je vivrai, personne ne prouvera que la révolte est mort. Réfléchis, réfléchis, ouais j'écris avec prestige. Le poids levé de Popovitch, je n'ai pas prêt de fléchir. De la misère des sinistrés au salaire des ministres. Il y a 10 décennies, je l'aurais tapé en alphabet cyrillique. J'ai la plume, dénonciatrice comme Wikileaks. Et j'ai bâti mon équilibre entre ma famille, mes lyrics. Les illivistes et ces quelques morceaux ne sont que les prémices d'une longue série que mon mot fera défiler dans sa playlist. Exhaleur, le gars qui milite sur les bastards de Billy. De bastard prod, du petit fight de Finoui, texte inouï. Fais briller la vérité contre l'oubli. Ce monde est fou et ça ne date pas du track d'Abdelhamid. Cupidon à la syphilis, laisse tomber ta prose idyllique. J'me fous d'être surexposé comme les noces de Kate et Willy. Je m'applique dans ma discipline, oui je pense en catimini. Ma révolte est née, à travers ces mots je la définis infiniment. Je passe mon temps à semer ce que je récolte. Entre la vieille et la nouvelle école, je ne prône pas la guerre quand je viens parler de la révolte. Au nom des nôtres, j'ai d'autres choses à faire que d'écraser les autres. Je pratique l'art de la raison, je prends du recul pour aller voir au-delà de l'horizon. L'exalour, j'élève ma voix et lève le voile des mots. Tant que je vivrai, personne ne prouvera que la révolte est morte. C'est lion contre coq, coq contre lion. Peu importe pour qui tu votes, ça troque nos vies contre des millions. Du chant du coq, au rugissement du lion. De ma rébellion à la révolution, de mes opinions. Et la terre nous est louée, donc je dépouillerai les proprios. Quitte à faire les 4000 sans couilles comme mon pote Clio. Nous ordonne de marcher droit alors que l'état a la scoliose. Sois belge et tais-toi pendant que je pilote la Grande Torino. Du CDH à Grundo de Croix à Di Rupo, ça reste à celui qui endormira le mieux le troupeau. C'est pas la peine de venir me dire que le monde est beau, qu'on est tous égaux, que demain sera un jour nouveau. Aucun n'implore les valeurs de base dans leur débat, ça cause en souriant à l'heure où le pays se sépare avec les mêmes phrases qui se finissent par je ne sais pas. C'est pas vrai ça, tracasse, j'ai tout gravé dans ma cabeça. Quoique je ne doute pas que la vita est bella. Toucher le salaire du Sénat dans la douche de Maria Arena. qu'on envoie Charles Michel dans les favelas. La politique est un jeu comme si là c'est j'ai mon carré d'as véritable. Malgré moi, moi fois ça fait mal, très mal. De l'affaire Acosta au système pénal. Des plages d'Ostende au signal de Botrange culminant 2830 à la famille d'Orange. Noir, jaune, rouge du coq au lion. De Render, savante de l'anneau du Vlaams blanc. Au droit de l'homme, choisis ton camp. De The Weaver au francophone de BHV entre deux mondes. Les tueurs du Brabant au petit GAV. Les faits font l'effet de Patrick Hammer, sa VDB. Même si ça date comme l'assassinat de là ou du PCB. Aujourd'hui, je sais que le pire cancer de la foi réside au bâtiment 16 rue de la Loi, je résiste. J'enverrai les gars de Wallonie en Flandre et les gars de Flandre en Wallonie chez les gens. Je crois que ça s'arrangerait très bien parce que tout le monde a mal aux dents de la même façon. Tout le monde regarde sa mère de la même façon. Tout le monde regarde une femme de la même façon. Tout le monde aime ou n'aime pas les épinards de la même façon. Et tout le restant, c'est, je crois, j'ai la faiblesse de croire que ce sont des problèmes de base politique. Et, bah, c'est sorti. Je trouve que la Belgique vaut mieux qu'une querelle.